travaillons, travaillons, travaillons, travaillons. Voilà, y'en a pas, ouais, on sait, on n'est plus du plan. Ouais. On va se regrouper. Tu travailles encore, tu travailles encore, travailles encore, travailles encore. Rien n'en s'est trouvé. Sur beaucoup de les voleurs, on le sait. C'est toi et ta clique, tu veux. On va pas faire lâcher. Bientôt, on va payer les voleurs. Travaille encore, travaille encore, travaille encore. Attention, elle va chauffer. L'assurance, ouais, tu sais, les voleurs encore. Qu'il faut que nous saigner. Ch'taka. Bientôt ça va bien marcher. Et tu vas voir, tu vas te encore faire et encore. Travaille, travaille, Arnaud Bernard, travaille encore. Travaille, et travaille. Tu es vrai, le plus riche de la terre, c'est vrai. On va bien te niquer, ton père est fait à sucre, c'est vrai. Hey. Dans le vallée, dans le vol. Joyeux gay. Allô Bernard, ouais, tu sais, joie. Ta mère, ta joie. Fille, on joie. Va jouer. Si jamais tu veux, le gars, que c'est. Oh, dans la vraie vie, ah. Tu es coupé, tant pis. Just trying to feel better. C'est toi qui as choisi. Bon. Et nous mettre au banc, tu verras. Ban, ban, ban, ban. Travaillons, travaillons, travaillons. Travaillons. Ou travaillons. Encore, encore. Encore et à cri. Travaillons, travaillons, travaillons. Work, yeah. Work, work, work, work. Work, work, work, yeah. Work, work, oh. Work, work, work, guy. Travaillons, travaillons encore, travaillons, travaillons, travaillons. De gagner comme l'Italie, c'est. Faut pas rêver, mais si y'a pas Dieu, tu sais, on serait mieux logé. On aurait des retraites à régler. D'accord, je suis d'accord. Encore et encore. Je suis d'accord. Encore et encore, je consens. Les corps bêtement engagés. Pas le choix. Encore et encore. C'est parti. Encore et encore. Tu peux pas. Désengagé. Je suis la cour. Encore et encore. Je suis encore. Dessus. Encore et encore. Je suis fort. Encore et encore. Encore, je suis d'accord. Tu veux, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et now we go. Encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore. Comme Janko, je suis pas vraiment d'accord. Comme Janko, non, encore et encore. Encore et encore, encore et encore. Et encore, encore, encore. Encore, encore et encore et encore. Encore et enterré, encore, encore et. Gay! Pour le dire moins. Encore et encore. Encore et encore. D'accord. Pas d'accord. D'accord, vrai. C'est pas d'accord. Dis-le. Le. Encore et encore. Encore et encore. Le. Encore. Dis-le. Encore. Encore et encore. Encore. Dis-le. Par les galets, les gays, par encarté, encart, des générations passées, encore, qui te transmettent enculé. Leur sac à dos, les enculés, encart, cette bande de rats, encore, en cure, ces boomers, en bourgeoisie. Encore et encore. En tard, en mur. Ces salopards. Bur. Ayant perdu au Géopardi. Bardi. Quand Jacques a dit. Bien passé. Encore et encore. Par Hanouna. Encore et encore. Encore et encore. Et alors robe de bure. Encore et encore, je te jure. Ça ressemble à plus rien. En car et en cure. N'importe quoi. Des culs, des faces. Des culs faces, l'esprit 68. Des culs sus. En car des et en cure. À travers l'Europe, écho, à travers toute écho, la France, t'es pas mûr, encore écho, et en cure, écho, en bus, c'est sûr. Je surnage à la surface de l'eau. De la eau. De l'eau. Je surnage. Surnage. Déjà, c'est pas mal. Comme dans de l'huile. C'est. Comme un nuage. Dans mon. Truc de fou. Tristan. Psycho. Surnage, je entrevois la beauté. La beauté du monde. Attends, on va passer à un autre truc. La beauté. Ouais.